Les bonnes. Les bonnes. À mon avis. Qui n'a ben islamiste loon quoi. Mon nak dafa bëgg adina bi yëpp tup ñëpp ñëw nek musulman. Mais fu mu dem ñëpp top ko ñëpp nek julit États-Unis, France, Afrique ñëpp nek julit quoi. Ba mu dess ben gayn ben chinois. Chinois bi né mom dal ay gëmul ay Allah ay yoy. Chinois bi né mom Bouddha la gëm, Bouddha re mom. Islamiste bi né OK, fokk mu séti chinois bi. Mais mu dem ba Chine séti gayn bi. Tassante chinois bi wax ba sonni chinois bi né Bouddha mom. Chinois bi né ko légui pour mu prouver ko lolu. Mu jox ko rendez-vous ben immeuble, immeuble 100 étages je la lay wax ni ci kaw. Islamiste bi né ko OK, suba ci fayar ñu tassi fofu. Islamiste bi ñew matin tin fekk chinois baangi fa lal ay sondelam lal ay yoy islamiste bi ne mais yeen ki dafa dof ñepp xam nañ ni allah mumun ki mi def amul fen nga mak nangam chinois bi ne ko paré nga islamiste bi ne ko man kay parna ma ngi sama cruise man chinois bi dal di jël élan rek la lay wax ni rek teup 100 étages yi rek commencer bouda bouda bouda bouda bouda bouda bouda bouda bouda ba mu dess ay 50 étages mu continuer bouda bouda bouda bouda bouda ba mu dess 20 étages rek loxo bouda bi jël ci ko rek tek ko islamiste bi tit ngang mais mu japp ni xolal bu bouda mu ne li allah mu nako quoi rek mu del elam la lay wax ni ñew rek teup commencer la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 60 étages disul dara la ilaha illallah la ilaha illallah 40 étages disul dara la ilaha illallah la ilaha illallah ba 20 étages disul dara mu commencer bouda bouda bouda bouda bouda bouda bi jël ci ko tek ko ci souf mu djou mu na alhamdullilah rek bouda bi deugnda astaghfirullah